Yo, hiphopfranco.com, c'est slash rondin. Ça fait des milliards d'années que l'on existe. Puis peu importe l'époque qu'on check, on voit qu'il y a toujours de la marde. L'homme est parti de rien, d'une face de batracienne. Pas d'armes de fantassin, mais juste la rage des assassins. Chaque primate est prêt à se battre jusqu'à sa fin. Il se frappe à chaque matin. Ha, même dans la préhistoire, on voit déjà des traces d'américains. Mais de plus en plus, les cerveaux poussent. Ça les mène à foutre de quoi d'intelligent. Il invente le feu et bouffe enfin quelque chose d'appétissant. Puis l'homme survit après 10 ans. Il apprend en vieillissant, retentissant. Jusqu'à temps qu'il prie des dieux inexistants. Dans le temps de la Grèce et l'Égypte, c'est tentant d'évoquer des gars en pensant. Faire travailler des esclaves pour plus que 100 ans. Des enfants qui bûchent pour un pharaon. Totalement dépendant, fuck, quand en faire son fendant. Coup de whip, aussitôt que slave déconne. Les masters qui pressent la run, y'a rien à faire. En Égypte pis même à Rome, tout le pouvoir est à même personne. Le Grèce est conne, les paysans écoutent. Blind des paradis pis Perséphone. Pis aussitôt qu'un érudit qu'on connaît comme Jésus-Christ dit qu'il y a un dieu, on crucifie. On l'enterre cru, on nullifie. Les chefs de Rome vicieux veulent plus qu'il vit. On garde le power, 500 ans après ils se font cut par le feu des mutineries. Après le peuple ils pensent voir des lois égaler le pouvoir. Mais toutes les choses qu'ils croient étaient dérisoires. Ça amène juste à garder des rois pour des territoires, les droits c'est des séries noires. Le Moyen-Âge était une maladie sans voix, puis guerre et tort. Après mille ans, le présent est un peu plus reluisant. Renaissant, défaisant la royauté, la fessant, délaissant les méchants, les blessant, le fessant qui spille. On connaît les têtes des oppressants. La démocratie commence, on invente toutes les machineries étranges. Mais les philosophies se mélangent encore, l'aristocratie devance. Les pauvres qui finissent en pénitence, ils travaillent pour un suleur. Pensent l'enfance dans la bouche, puis traminent une vie dans la grange. Puis aujourd'hui, l'équité s'en met presque, mais d'autres problèmes. Stress. Les vraies presses existent plus, chaque homme a sa maîtresse. Parce que cette chic a pas des belles fesses. L'inceste, toutes les chutes du monde, chaque homme a plein de stress.